dans la zone 89.1. Le plan d'aujourd'hui à Assemblage Requis. Gabriel Bihoud viendra nous parler d'un pont en allant dans les coulisses de la huître. Et Stéphanie nous en apprendra plus sur les phrases connues dans sa plus simple expression. Assemblage Requis commence maintenant. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage Requis. Bonjour et bienvenue à Assemblage Requis, l'émission matinale en pièces détachées. Je m'appelle Mathieu Plante. Moi, c'est Stéphanie Paradis. On t'en dirait des studios de Cifou à Trois-Rivières en ce mardi 6 janvier 2015. Oh, que oui! Salut, Steph. Salut, Mathieu. Hein? T'as froid? Je sais pas. J'ai les sourcils gelés. C'est comme si j'avais mangé de la crème glacée, à peu près. Par les sourcils? Ouais. Ah, c'est un peu bizarre. Comme un cerveau gelé. Moi, je me suis dit, j'avais un lift pour m'en venir ce matin. Ben oui. Mais je dois retourner à pied. Je me suis dit, je vais prendre mes pantalons de neige dans la valise de ma voiture. Ouais. Comme ça va être beaucoup plus agréable pour retourner chez nous. Mais moi, j'ai pas encore déglacé mon auto. Ouf. Fait que c'est comme un tank de glace. Ouais. J'ai débarré la valise, puis ça a pas bougé comme si je l'avais pas débarré. Fait que j'étais un peu triste. C'est ridicule. La glace sonne comme la vitre cassée quand t'as la casse en ce moment en plus. Ben, je sais pas, j'ai pas réussi à en casser sur ma voiture. Je te le dis. Donc aujourd'hui l'émission, Steph, on a un plan assez chargé pour un mardi. C'est vraiment intéressant. Donc on va avoir Gabriel Béhoud qui est là à 8h pour la chronique dans les coulisses de la Luitre. On va parler du match spécial contre la Libre de Montréal qui a lieu jeudi soir à la Chasse-Galerie. Oh, c'est intéressant ça. Ça, c'est à 8h. À 8h30, c'est une farce à plus simple expression. Bien sûr. Et c'est ça. C'est que c'est ça? C'est ça. Mais moi, je vous explique pourquoi on dit ça. Pourquoi on dit ça, ça? Comme ça. Que c'est ça? Ça. OK. Et à 9h, une entrevue spéciale avec le directeur des programmes de MBA UQTR, oh. Monsieur Nomo. Donc, ça va être à 9h. Autour de ça, on va faire son foutu palmarès pour combler les trous entre les chroniques. Parfait. Génial. Alors, on va débuter avec le bloc pub, la suite de la chronique d'hier en fin d'émission. Dans quelques instants, mais avant ça, on s'en va entendre une pièce de Hey Rosetta, mais pas leur extrait du palmarès Kintsukuroi. Non, à la place, je me suis dit, c'est l'hiver. Et peut-être qu'il faut mettre des petits gants à nos petites mains. Donc voici Kid Gloves. Ça fait deux groupes qui ont une pièce avec Mitaine dedans, avec Coco Melia. Allez, bonne émission. Afraid to swim. Here is Heroes of Thai, pièce Kid Gloves sur l'album Second Sight à Assemblage Rookie. Hier, en fin d'émission, si vous étiez avec nous, on devait commencer une chronique de marketing, donc on va la continuer à l'instant. Voici le bloc pub. Venez au bon marché! Oui, papa! Tout le monde aime Marine Land! Je préfère le goût de Burger King! I love you and I kiss you! 4,99$ la minute, j'adore seulement. Bisous! C'est Jojo! C'est le bug pub, la chronique que Colin, je prends goût à faire de plus en plus souvent. On dirait que c'est le fun de parler de marketing ensemble, n'est-ce pas? Et on va parler aujourd'hui, en fait, pour commencer, de choses des fêtes. OK. Ça a du sens, les fêtes viennent de passer. Ouais. Faut bien qu'on en parle un peu. Ouais. Retour sur le marketing des fêtes, mais pas trop les affaires que vous avez déjà vues. En tout cas, j'espère que non. Commençons avec une épicerie qui surprend les gens dans son magasin en jouant une petite chanson sur sa caisse enregistreuse. Hein? On peut pas s'échapper de la musique des fêtes. Donc, les gens qui magasinent dans un supermarché allemand, Edeka, ont peut-être été surpris dans cette cascade publicitaire où on scanne les articles sur une caisse enregistreuse et ça joue exactement les bonnes pièces, les bonnes notes qu'il nous faut pour entendre une petite chanson qu'on va essayer de reconnaître ensemble. OK, on va deviner c'est quoi la chanson ensemble. C'est tellement cute. Donc, bien évidemment, le texte est en allemand, donc je vais essayer de vous expliquer le contexte. On magasine dans les allées, on prend des produits. Tout le monde marche comme le veut la tradition de l'épicerie, même en allemand, c'est partout pareil, ça. Mais donc, c'est plus efficace aussi de marcher pour faire son épicerie. De que de rester c'est sur place. C'est plus efficace, ouais. T'as bien raison. OK. C'est synchronisant, maudit. Et là, les lumières s'éteignent dans l'épicerie. Et des lumières rouges s'affichent en avant de chaque caisse enregistreuse. Pour aller avec les bips. Rouge et vert, excuse-moi. C'est arrangé, là. Pas mal, hein? Il a l'air d'avoir du montage quasiment dedans. On le dit aux gens, soyez surpris. Faites comme si vous étiez surpris. Ah, puis t'as quelqu'un qui fait du beatbox sur un micro à une des cartes. Moi, je serais malaisé si ça m'arrivait. Malaisant parce que c'est un peu long. Hein. Ouais. En même temps, c'est parce qu'on le regarde pas, on fait juste écouter à la radio, mais ça reste pareil. Oh, les gens commencent à taper des mains. Là. Ouh! Ça s'appelle Check Out Symphony, donc symphonie de caisse enregistreuse ou Kassen Symphony en allemand, fait par Jung von Matt. Ça a ramassé plus de 11 millions de views en ce moment sur YouTube, en date de l'article. Succès viral pour l'agence publicitaire qui a aussi fait une autre vidéo plus tôt cette année qui a eu du succès, donc allez voir le lien sur assemblagerequis.com. Ça me fait un peu penser à une promotion qu'il y avait justement dans le temps des fêtes dans une épicerie qui donne des points Air Miles. Mettons, il y en a quoi, une, je pense, c'est ça? Je pense que c'est ça. Oui. Donc, j'arrivais à, une fois que j'ai eu payé, la fille me donne ma facture. Il dit « Prends ta facture et va à l'entrée. On pouvait aller tourner une roue pour avoir des points Hermès. C'était vraiment cool. T'entendais tac, tac, tac, tac, tac, tac, comme si c'était la roue de fortune. » Là, j'étais tout énervée. Je m'en vais tourner la roue. T'sais, je disais à mon chum que je trouvais ça quétaine. Il me disait « Essaye pas, ça te tente d'aller tourner. » Oui, ça me tente. Donc, j'arrive à la roue, toute heureuse. Là, je vois le gars qui est en train de mettre des élastiques autour de ses papiers, tout ça. Fait que j'arrive avec mon papier pour tourner la roue. Ah, mais c'est fini. Ouais, ouais. Comment c'est fini? Ben, dis ben, mon boss vient juste de me dire de fermer ça. Ben oui, on a. Ça arrête à 5 heures. Il était 5h01. What? J'étais tellement fâchée. Il dit, bon, mais vous pouvez revenir demain entre 9 et 5. Ben, il n'y a pas rien que ça à faire, là. Hey, mais t'es retourné finalement, non? Non, j'étais tellement frustrée. J'ai dit, il va regretter. Il va dire, oh non, il n'est pas revenu. Hey, t'étais tellement excité, t'étais comme un petit gars. Un petit gars excité, IGA, petit gars. Ah, il était excité, ouais. Ça a pas été la meilleure année, Steph, pour les officiers de police, tu sais, avec toutes les histoires de jeunes garçons tués, etc. Bref, par la police. À Lowell, dans le Michigan, on termine l'année sur une bonne note, en donnant des cadeaux de Noël aux gens qui se font arrêter, ou en tout cas mettre sur le côté de la route pour avoir enfreint les règles de... Bref, de la bonne conduite sur la route. C'est Rob Bliss qui a filmé ça, lui qui travaillait sur 10 Hours of Walking in New York City as a Woman. Donc, vous avez tous vu cette vidéo de femme qui marchait pendant 10 heures à New York, puis qui se faisait catcaller, et ça a fait controverse en dernier quart d'année, je crois, environ sur Internet. Bref, vidéo quand même bien faite professionnellement avec tout ce qu'il nous faut, donc on va regarder ça ensemble. Encore une fois, c'est une surprise. Most of the contact police officers have with the general public is on a traffic stop. And you can donc, find la plupart du contact que les gens ont avec la police, c'est quand ils se font arrêter pour la vitesse, des trucs comme ça. Donc, vous pouvez passer une mauvaise journée et ça va empirer la chose. On veut essayer de changer la journée de ces gens en leur donnant des tickets doux. Got all your Christmas shopping done? Vous avez fini votre magasinage des fêtes? Non, j'ai pas encore commencé. J'ai Lego Friends que je dois acheter, je sais pas si vous avez entendu parler de ça. Donc là, ce qu'ils font, c'est qu'ils appellent, les policiers appellent sur leur truc de CV, peu importe, des magasineurs qui sont dans le magasin et qui cherchent exactement le cadeau que la personne veut. Ok, j'imagine qu'ils arrêtent les gens proches du magasin. Hein? J'imagine. Ils parlent des cadeaux qui seraient pas réalistes, qui seraient trop chers à acheter, et évidemment, c'est ça qu'ils s'en vont acheter, les policiers, par leur assistant, si on veut. Donc, les assistants courent dans la neige. Ceci était payé avec les fonds publics, ça? C'est une bonne question. Souvent, c'est une question de commandite, là, parce qu'on s'entend que, tu sais, je mets pas ça dans le bloc pub pour rien, que ça fait de la pub pour la police, ça fait de la pub pour probablement les magasins aussi. Ben oui, c'est ça. Yeah, you got pulled over. You got illegal tinted windows. Et pour vrai, à la fin, la dame demande, est-ce que vous m'avez vraiment arrêté pour des bonnes raisons, pour les vraies raisons? Et le policier dit oui, vous avez des fenêtres teintées illégalement. Et je sais pas si c'est vrai ou si c'est un gag. Mais bref, il déballe le cadeau devant le policier. Et la femme demande, est-ce que je peux avoir une contravention pour vrai? Et le policier dit, ben, si vous en donnez une. Donner, si tu le veux. What the heck? Bref, tout le monde est bien impressionné, j'imagine, avec des cadeaux si chers que ça. Surtout que tu viens juste de dire, c'est un cadeau que je pourrais pas me permettre. Ben ouais. Mais bon. Des cartes cadeaux, entre autres, des Lego and Friends. Et... Une TV. Ben oui, une TV. On est rendu à la même place dans la vidéo. De la TV. J'essaie de les partir en même temps. C'est bien, ça. On décrit même affaires. Et qu'on est bon. Donc, bref, tout plein de cadeaux, c'est un petit peu répétitif de tous les montrer. Il nous en reste comme une minute, je pense qu'on peut arrêter là. Oh mon dieu, il y en a vraiment long. Oh mon dieu, une Xbox! Ok, mais je vais quand même sauter à la fin. Des fois qu'il y aurait des affaires, continue de regarder pendant que moi je vais à la fin pour lire le texte. À la fin de la vidéo, ça dit, attention, nous n'encourageons pas les d'enfreindre les lois de la route. C'est important pour la police de prendre leur temps pour montrer aux citoyens comment ils sont importants pour eux. Blablabla, tu sais ça, c'est une pub pour la police. Donc, c'est Uplift Someone qui est leur commanditaire dans l'Uplift Someone Christmas Initiative. Voilà. Vous pouvez aller hashtaguer Uplift Someone pour défier quelqu'un pendant la saison des fêtes, nous disent-ils. Donc, c'est pour ça qu'ils ont fait ça. Penses-tu que si j'avais parlé d'un congélateur, ils m'auraient apporté un congélateur à la voiture? Oui, je sais pas si ça rentre dans ton véhicule, peut-être. Si t'avais un gros pick-up, peut-être un jour. Ben non, j'ai pas de gros pick-up. Ben non. T'aurais demandé quoi, toi? Ben, si ça m'était dans le temps des fêtes, juste avant, mettons, Noël, j'aurais pu commander une maudite grosse TV. Ouais. Peut-être que je me suis gâté pendant les fêtes. on parle toujours des fêtes dans le bloc pub en ce moment. C'est le petit retour sur les publicités ou le marketing des fêtes. Le Père Noël qui a complètement laissé tomber son traîneau pendant les fêtes pour utiliser plutôt les services d'Expedia pour une campagne de Noël de 180 LA, choisissant à la place de voler en avion, en coach. Donc les coach, c'est les billets les moins, ben, je sais pas, c'est les moins chers, parce que dans les moins chers, et en faisant le tour du monde et en finissant à un hôpital qui est St. Jude's Children's Hospital, Research Hospital, pardon, à Memphis, au Tennessee, où il a livré des cadeaux à des enfants qui en avaient besoin. Donc, on peut regarder encore une fois la vidéo à la place de tout le temps lire le texte pour rien, parce que ça dit la même chose que dans la vidéo. Donc, écoutons ça. Santa Flies Coach pour Expedia et St. Jude Children's Research Hospital. À chaque année, un homme fait le tour du monde pour les enfants, nous disent-ils. Ouais, Patch Adams. Patch Adams. Il est mort. Cette année, ils ont fait les choses différemment. Il a fait les choses différemment. Donc, on voit le Père Noël qui passe par les check-up de l'aéroport. Il se fait tâter. Il se fait tâter un petit peu. Donc, il a fait 19 602 milles de distance sur 7 jours. Donc, il est parti de Honolulu à Hawaï le premier jour. Comment ça, il reste à Honolulu? Ouais, hein? Est-ce que je dois doubler les ha-ha-ha-ha du père? Non, c'est pas supposé être ho-ho-ho. Ça dépend du moment. Ça dépend du feeling. Un jour 2, Tokyo au Japon. Ouais. 49,7 heures de vol en passant. Il est passé par l'Alaska, Dubaï, Paris, New York et finalement à Memphis où il a commencé à donner des cadeaux. Juste les grandes villes. Juste les grandes villes. D'ailleurs, il a aussi donné ses points de les points Air Miles. Ben, je sais pas si c'est ouais, probablement que ça, c'est pas mal la même chose. Donc on le voit passer à travers un paquet d'endroits comme ça et dormir dans des petits pods, tu sais, les petites les genres de petites cages grosseur du corps humain. Même le Père Noël fait là-dedans, apparemment. Faut pas être claustrophobe. Non. Oh! Steph! Je dois arrêter ça. T'as dit claustrophobe! Parce que le Père Noël est Santa claustrophobe! Oh, Seigneur! T'es cohérent, tu l'as même pas vu venir, tu sais. Il a fallu que j'interrompe. Je te félicite, tu sais, sans que tu le saches. Ouais, ouais. C'est super émouvant de voir le Père Noël dormir partout, mais c'est plate en maudit aussi. Donc on va avancer un petit peu plus. Et là, il arrive à l'hôpital, puis là, ben, il sort les enfants mourants probablement, ou très, très, très, très, très malades. Et il leur donne des cadeaux. Hop! You can't help but smile when you say that, can you? Je peux m'empêcher de rire en disant ça. Let's be friends for life, okay? Soyons amis pour la vie. All right, my friend. D'accord, mon cher ami. Et là, il va s'asseoir. Prend sa tablette, va sur Expedia, évidemment, parce que c'est là qu'il a payé ses billets pour. Ah. Rendons les voyages des fêtes encore plus importants. Donnez vos points aux hôpitaux pour enfants sur Expedia.com, Marley Santa. On dirait que je suis mitigée, je l'ai. T'sais, on dirait que le fait qu'il ait donné des cadeaux aux enfants malades, c'est vraiment juste pour la pub et qu'il n'y a pas de bonne intention derrière. C'est ça qui me dérange. Le résultat est le même. Les enfants sont contents. Eux autres, ils savent pas que c'est pour la publicité. Et ça le dérange pas. Là. Exact. Mais je sais pas. J'ai de la difficulté à être touché juste à cause que c'est pour le... Surtout que c'est du marketing, le touchant, moi, tu me perds un peu. T'sais. Ouais. C'est un peu ça. Ensuite, c'est une publicité pour Kmart. Oui, Kmart, ça existe encore. Aux États-Unis. Donc, la saison dernière, à la fin de 2013, Kmart avait une campagne publicitaire pour Noël qui s'appelait Had a Ball or Two, qui avait été très populaire sur Internet. Donc, ils sont de retour avec cette fois-ci la thématique des bedaines. Donc, à la place de montrer, comme dans plusieurs publicités, des gars, dans leur publicité de l'année passée, avec des gars qui jouaient sur leur bedaine de bière. En batterie, genre, si on veut. Mm-hmm. Donc, à la place, c'est une équipe de filles, 5 filles. Avec des bedaines de bière. Avec des bedaines de femmes enceintes. Ah, Steph. Ah, OK. C'est ça. C'est pour l'agence publicitaire FCB et leur campagne hashtag Show Your Joe pour Joe Boxer. Joe Boxer, j'imagine la même compagnie que Joe là, chez Provigo, Loblaws, etc. J'imagine Joe Fresh, peut-être pas. J'ai aucune idée si c'est la même chose. J'ai aucune idée. Ben non, c'est Joe Boxer. Joe Boxer, c'est pas la même chose que Joe, en tout cas. Ben non, c'est des boxeurs. C'est pas la version boxer de. Non, non. Tu vois comment je connais pas les vêtements? Ben non, un boxeur, ça fait longtemps. Je dis c'est la marque Boxer. Oui, oui. Boxer. D'accord. C'est des boxeurs. Oui, oui, Boxer, c'est ça vient de là. Finalement. Donc, bref, c'est 5 femmes qui vont rocker leur pyjama sur l'air de la très populaire chanson quétaine Santa Baby. Donc, écoutons ça. C'est réalisé par Christian Weber de chez Wondros. Vu que sa position de femme sexy et de femme enceinte qui peut aller ensemble en même temps. Et bon, là, je peux vous dire qu'ils ils font leur move dans frottage de bedaine, si on veut. En fait, tu sais quoi ça me fait penser? Ça peut, je voulais pas l'interrompre. Pendant les fêtes, tout le monde s'amuse avec Joe Boxer chez Kmart. Bah, ha, ha, ha, get more Christmas. Vas-y. Ça fait penser, tu sais, les chorégraphies de lutins, là, où faut que tu mettes ta face dedans, là. On dirait vraiment une chorégraphie de quétaine de même sur une toune de Noël. Tout à fait. Il aurait dû faire ça, justement. Kmart aurait dû nous proposer de mettre nos propres têtes sur les femmes de Kmart. Ah oui, pourquoi pas. Opportunité ratée, hein? Ensuite, une autre agence qui montre un peu, en fait, qui pitch, comme on dit en termes de pitch de vente, là, de marketing, on pitch Noël à un focus group. Tu sais, on déteste les focus groups. Vous avez peut-être déjà été victime de focus group dans un centre d'achat, vous faites arrêter pour essayer un produit, quelque chose comme ça. Ça m'est déjà arrivé, peut-être que vous aussi. Non, malheureusement, non, j'aimerais ça. C'est comme un bon souvenir que j'en garde de ça. Mais bref, ça peut changer tout. Ça peut prendre une très très bonne idée et la gâcher complètement en disant qu'ils comprennent pas parce que souvent ils vont prendre des personnes de différentes catégories d'âge, de genre. Et de niveau intellectuel. De niveau intellectuel. Et donc, ça peut vraiment gâcher une bonne idée, la rendre la plus fade possible. Ça peut vous faire même détester Noël, nous dit-on. C'est Ogilvy & Mather à Paris, qui nous a fait cette petite expérience hypothétique nommée Ho No No Go. Non, non, il y a juste un no, c'est Ho Ho No, no go. Parfait. Ho Ho No Go, où le concept de Noël est donc pitché, voilà, à un groupe d'étrangers qui ne réagit évidemment pas de façon positive. On écoute donc cette table ronde. Bon matin tout le monde, bienvenue. Donc cette année, nous ne pouvons pas vous envoyer de cartes de Noël. Donc on a testé Noël et malheureusement, ça ne s'est pas bien passé. Je traduis le texte et non pas le gars qui parle. Donc voici pour la première fois, je vous présente Noël. Et là tout le monde se fait comme, attends, comment? Chris Key? Est-ce que quelqu'un a des opinions? Ah, j'aime pas tellement le nom. On dirait une maladie. Pourquoi pas à la place Sparktazzle? Hein? Just imagine, he's a fat old man. Donc imaginez-vous un vieux bonhomme. Why do I have to sit on his lap? Donc l'enfant dit, pourquoi est-ce que je dois m'asseoir sur sa cuisse? Sneaks into your house through the chimneys? Tu sais qui d'autre entre par ta cheminée? Attends un peu, c'est quoi qu'elle a dit? The chimneys? Rapists. Les violeurs, bien sûr. Les violeurs. Croyons, non? Donc là, on joue des chansons de Noël au clavier, bien sûr. Là, tout le monde s'en remet. Christmas makes you feel... Donc Noël vous rend, bon, affamé de sexe, mettons, horny. Okay, definitely not the red. Why donc le bonhomme rouge, les gens l'aiment pas. Donc ils aiment pas le bonhomme rouge, j'aimerais mieux le bonhomme bleu qui ressemble à un sorcier ou le bonhomme vert qui ressemble à absolument à rien, mais peut-être un super-héros bizarre. Why the hell is it in December? Là on dit, pourquoi est-ce que c'est en décembre? Pourquoi pas faire ça au mois d'août à la place? Saint Gimme Gimme Day. Pourquoi pas la Saint Gimme Gimme Day? Of the bling daddy. I can't believe I come up there. I pay for the gifts and the fat guy gets all the credit. Donc la dame qui dit c'est moi qui paye pour les cadeaux puis c'est le gros monsieur qui reçoit le crédit. Est-ce qu'il est sur Twitter? Hashtag #SparkTazzle. Can I ask for puppies? Sure if you want. Est-ce que je peux demander des petits chiots pour Noël? I'm going to. Bien sûr. Alors c'est ce que je ferai. Joyeux #SparkTazzle. #SparkTazzle. Okay, so we have one other concept for you. Un autre concept, attention. C'est la veille New du nouvel Year's an. Eve. Et là, c'est le punch final. Et il faut quand même mentionner qu'il y a un gars habillé années 70 avec un afro blond qui joue du clavier. C'est lui qui joue le clavier, exact. C'est vrai, ça. Ça valait la peine de le noter. J'ai trouvé ça très, très drôle. C'est vrai, hein, quand c'est vu avec du recul, ça peut être bizarre. Même sans recul, j'ai toujours trouvé ça bizarre, mais... on va terminer, il nous en reste trois petits derniers sur les fêtes. Ça va être la thématique d'aujourd'hui, et c'est tout. Donc, commençons par une vidéo des fêtes pour Hootsuite, qui est un système de Twitter. Ça, c'est un système d'agrégation de Twitter. Donc, on vous montre... pendant 40 minutes. Vous savez, vous connaissez peut-être la mode de la Yule Log, la Holiday Yule Log. Aux États-Unis, il y a des chaînes de télé qui diffusent une bûche de Noël en train de, ouais, de faire ce qu'elle a à faire. Bon, on l'a sur Cogeco. T'as bien raison, t'as bien raison. Et on l'a sur Internet, sur YouTube. Il y a des versions 8-bit même de la Chiptune Holiday Log. Bref, donc c'est les joyeuses fêtes de la part de Hootsuite. C'est hashtag Holiday Owl. Et donc, pour célébrer, après sa publicité d'Halloween, qui était sur, je crois, le même concept, parce qu'il y a un lien dans la pub, c'était leur... bref, peu importe. Mais c'est une publicité pour Noël, où on nous montre vraiment un hibou devant un foyer pendant 40 minutes. Et il y a eu un budget alloué pour ça. Et on peut acheter même le hibou Owly de Hootsuite en toutou, en plus. Et ils vont donner de l'argent, ça le disait en bas d'écran, un petit peu... Je vais revenir en arrière. Mais ça donne de l'argent à quelque chose ou quelqu'un. Snip, snap, donne-moi ça. Snip, snap. La vidéo a duré 40 heures, fait que je peux pas vraiment scroller dedans pour retrouver la petite boîte qui jouait là 5 secondes. Oh. OK, donc c'est à OWL Wildlife Rehabilitation Society, donc une société qui s'occupe des animaux sauvages. Mais il est cute. Il est cute, puis imagine là en plus, je clique sur la petite boîte dans le coin en bas. Puis encore, c'est shop.hootsuite.com, H-O-O-T-S-U-I-T-E. Et le petit hibou, honnêtement, ne ressemble pas tout à fait au hibou de la publicité, mais quand même. Pour terminer, un dernier petit tour de l'année, c'est par Play-Doh, la marque de pâte à modeler par Hasbro. C'est vrai que c'est Hasbro qui fait ça. Donc, on nous résume les meilleurs moments de 2014 en forme de Play-Doh. Donc, par exemple, quand Jimmy Fallon a pris le Tonight Show de Jay Leno, on a fait donc le rideau bleu de Jimmy Fallon et sa tasse avec du café dedans, tout ça en pâte à modeler. Évidemment, le rideau est en pâte à modeler bleu, le café, tout ça l'est. Même la petite pancarte de remerciement, parce qu'une chronique dans l'émission de Jimmy Fallon nous remercie des vedettes ou des gens. Donc, il y a sa petite carte. Le Polar Vortex, évidemment, le front froid qui a duré de décembre 2013 à avril 2014, qui a marqué les actualités américaines. Le Ice Bucket Challenge, donc on voit, en passant, le Polar Vortex, c'était une carte météorologique en qui est, soit dit en passant, pas très bien faite. Étant donné les règles météorologiques, l'angle des choses. Non, mais ou... je veux dire, tu vois-tu le Québec, toi? Je veux dire, c'est mal fait, là. Ah, la forme du Québec est complètement inappropriée. Oh, oui. Le Ice Bucket Challenge, challenge, évidemment, on dirait plus des guimauves bleues que de la glace. Mais bon, t'essaieras de faire de la glace avec la pédo, toi. T'essaieras. Donc, un phénomène qui a ramassé plus de 100 millions de dollars pour la ALS. Le 20e anniversaire de Friends, la sitcom populaire des années 90. Donc, on a le divan au Central Perk. Les montres intelligentes. Donc, on a fait une montre en plaido. Innovation qui nous permet de vivre comme à l'époque des Jetsons. Et pareil comme la tienne. C'est vrai, hein? La mode du normcore, c'est les gens qui s'habillent en quadrillé, c'est ça, j'allais dire en quadruplé. En quadrillé puis en grosse botte de bûcheron. Donc les vêtements qui ne flashent pas, c'est le normcore. C'était bien dans la mode. Les selfies, évidemment, là, on a une main en plaido et un téléphone cellulaire avec un gros flash en jaune éclatant. Mot qui avait été ajouté au dictionnaire Merriam-Webster. Le livre et le film The Fault in Our Stars, qui est devenu un énorme succès au cinéma. Donc, tout ça refait en plaido. Et c'est l'affiche de Fault in Our Stars. C'est juste un nuage noir avec le mot hockey en blanc. Et un nuage blanc avec le mot hockey en noir. C'est apparemment une partie de la campagne publicitaire pour ce livre et ce film. Voilà. C'est tout pour cette chronique du bloc pub. Moi, ouais, je sais bien, c'est pas assez long cette histoire-là. Mais que voulez-vous, on a d'autres choses à faire et des choses vraiment pertinentes. Comme la chronique dans les coulisses de la Luitre qui s'en vient dans quelques instants avec Gabriel Béhoud. Retour à Assemblage Requis jusqu'à 9h30. Restez là. Dans la zone 89.1. Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Vous êtes de retour à Assemblage Requis, l'émission matinale en pièces détachées. Elle, c'est Stéphanie Paradis. Lui, c'est Mathieu Plante. Dans quelques instants, ce sera Gabriel Béhoud et la chronique dans les coulisses à la Luitre. On va parler de l'automne qui a eu lieu en impro à la Luitre, bien sûr. Et l'hiver qui s'annonce chargé en matchs spéciaux. Oh oh! Je faisais mes calculs savants avec mon boulier. Puis la moitié avec des matchs en spéciaux. Rouge, bleu. Ah, je me touchais à B. Ok. On écoute. Ah, comment? Excuse, pardon? Excuse, je pense. T'as ça, toi? Medora. Voici Sillage. Ouais. J'essaie de vous donner des indices sur ma personnalité, mais... Ouais. Et mon corps! T'es ouais. Une he-female? Ouais, c'est ça. He-female, c'est le contraire d'un she-male, ça. C'est ça. Ça. We'll be right back. C'était Medora et leur pièce Sillage à Assemblage requis. Maintenant, on parle d'improvisation. Donc, je sais pas comment le présenter, parce que Colin, j'improvise quelque chose, genre balaboum, balabing, tombe en pleine face, sur de l'impro. Boum. Boum. Chance que tu fais juste animer. Ouais, hein. Gabriel Béaud est avec nous en studio. Bonjour, Gabriel. Salut, ça va? Ça va, toi? Ah, si ça va. Ah, oh, si va. Ça va. C'est pas une question à me poser, ça. Hey, bonne année. Bonne année à toi. Ouais. Ah non, hein? On peut pas dire ça avec la charte, hein? Qu'est-ce qu'on dit à la place de bonne année? En tout cas, mettons une période de 365 jours avec une période d'une durée. D'un calendrier. De calendrier, mettons. Ben, OK, ouais. Bon. Bonne, je pense, ça passe pas. Ça passe pas. Qu'est-ce qu'on dit? Adéquate. Ouais. Donc, adéquate page de calendrier. Voilà. Correct prochain 12 mois, mettons. correct prochain 12 mois. Du calendrier romain, c'est ça? Ouais, ouais, ça. Faut préciser. Parce que c'en est un parmi tant d'autres, mm-hmm. À travers l'histoire. Bref, Gabriel Béhoul, qui est notre chroniqueur de la Luitre. Oui. Depuis deux fois avant ça, je pense. À l'automne, on a commencé sous tard un peu. Ouais, on s'est pris un petit peu en retard. Mais une fois que t'es arrivé, tu t'en iras plus. Ah non, je vais rester ici. Je dors ici, en fait. Ok. J'ai passé le temps des fêtes dans le local. Ah, c'était sa poche de linge qui traînait hier dans le studio. Il y avait une poche dans le studio hier. C'était ta poche. Oui. Tu te laissais la poche dans le studio, comment? Ah oui, ma poche a passé beaucoup de temps en studio ces derniers temps. On a senti ta poche un peu, puis ça ok. Oui. Ça va faire, hein. On n'a pas de résumé de match d'hier, parce que vous savez que la lutte, ça a lieu le lundi soir d'habitude, à 20h, ça se gagne. Oui. Mais là, il n'y a pas eu ça, parce qu'à la place, le match de cette semaine, il est spécial, puis il est pas lundi. Non. On en parlera plus tard, parce qu'on veut résumer l'automne avant, je pense. Ouais, on pourrait faire un petit résumé de l'automne. Qu'est-ce qui s'est passé cet automne? Il y a eu pas mal de matchs. Je sais que ça a commencé avec un match, toi-là, fulgurant entre les nouveaux capitaines et les arbitres. Ouais, mais ça, j'aimerais ça t'en parler, Mathieu. J'étais pas là. T'aimerais ça m'en parler, mais t'étais pas là parce que ça avait pas encore eu lieu, le camp de recrutement. Exactement. C'est ça? Alors, c'est ça, t'es même pas venu. J'étais pas arrivé encore à Trois-Rivières. T'es pas venu faire ton CNE, mais parce que c'est ça. T'étais pas dans la ville. Exact. Moi, j'étais là. C'était génial de voir autant de gens jouer. Des arbitres qu'on voit d'habitude pas souvent, comme Jocelyn Garneau, qui a pas encore arbitré une seule fois. C'est Élodie Mongrain et Maxime Tanguay qui arbitrent plus souvent. Mais Jocelyn était là, Colin, puis il a joué, puis c'était sa seule fois de l'année à date. Puis il est fort, Jocelyn. Moi, je me rappelle de l'an dernier, je l'ai vu comme arbitre seulement. Oui. Je l'ai vu aussi jouer à la lime, et puis ce gars-là, il est époustouflant. C'est un génie de l'improvisation. Il joue dans une troisième ligue aussi, à quelque part, mais je me rappelle pas laquelle. Québec. Je pense que c'est Québec. Et ça, c'était contre les capitaines de chaque équipe. Capitaine qui est Alexandre Laramie-Zwicky, qui est Antoine Lacasse, qui est Philippe Grenier, bien sûr, et Vincent Rainville. C'est là pour m'aider. Oui, on fait la moitié de la job. C'est à peu près ça. On se complète bien. Ensuite, il y a eu le camp de recrutement. C'est là que moi, en tout cas, je t'ai vu pour la première fois jouer sur la scène du camp de recrutement. Magnifique travail. Je pense que tout le monde s'est dit dès le premier, dès la première phrase, je pense qu'il va finir dans l'équipe officielle, celle-là. Alors, je sais pas si ce sont dit ça, mais je suis content, j'ai été choisi. Fait que on va demeurer humble. Exactement. D'autres matchs spéciaux qu'il y a eu, c'est la lutte feutrée qui a eu lieu au mois d'octobre. C'est un match plus théâtral. Et ça, il y aura une autre lutte feutrée au mois de mars. Oui, exact. Dans le fond, la lutte feutrée, c'est super le fun. C'est un match où il n'y a pas vraiment de compétition. En fait, il n'y a pas d'équipe. Donc, si on improvise sur des thèmes qui sont souvent beaucoup plus larges que les thèmes proposés par les arbitres ou les animateurs en temps régulier. C'est des propositions. J'aimerais que vous me fassiez quelque chose. C'est ça, c'est en plein ça. Et puis, les durées aussi sont relativement floues. Donc, c'est un match qui c'est ça, c'est feutré, là. C'est relax, c'est super le fun parce qu'il n'y a pas de pression non plus de pointage et compagnie vu qu'il n'y a pas d'équipe. Ça donc, compte pas pendant ça? Non, c'est ça. Le but, c'est de s'amuser, en fait. C'est ça. Puis le public est très relax aussi. Il y a moins de... Ça crie pas. Puis, non, c'est ça. C'est pas mal plus théâtral. Ça ressemble beaucoup à la lime pour ceux qui vont à la lime des fois. Ouais, c'est vrai. C'est un match dans le même style. Exact. Le reste de la session, c'était pas mal des matchs normaux entre les oranges, les bleus, les rouges et les verts. Où sommes-nous rendus dans le pointage? Eh, Sainte-Bénite, Mathieu, là. Sainte-Bénite! Là, les c'est pas très charte, ça, de dire ça. Oups! Saint-Cloud. Ah ben, mon Dieu, j'ai recommencé avec Saint. C'est le mot Saint pour le mot bénit. Mal mon premier, mon premier mois du 12 mois, là, on dirait. Feuille à papier, le classement ressemble à, dans le fond, plusieurs équipes ont joué. Dans le fond, ils ont tous joué, matchs. Je te gage. Ouais. Les verts et les oranges, ils ont 5 matchs. Okay. Les rouges et les bleus ont un match de plus. Okay. Et puis, au classement, ben, dans le fond, les rouges ont 9 points, les verts en ont 8, avec un match de retard. Les oranges, qui ont aussi 5 matchs, ont 4 points. Et les bleus ont 2 points avec 6 matchs de jour. Ouais. Tu fais bien de préciser le nombre de matchs joués, parce qu'en effet, le pointage, si tu dis straight pipe, il y a d'avoir un gagnant clair, mais en tant que tel, ça marche pas de même. Ben non, les verts ont un match de retard sur les rouges, qui sont les meneurs. C'est ça. Et puis, ben, on va essayer de départager l'égalité la semaine prochaine, car les rouges vont affronter les verts lundi soir à Chasse-Galerie. Hey, le premier vrai match, le standard, ça. Oh oui, parce que c'est ça, cette semaine, il y a un match, mais il n'est pas standard. Ben non. Ben parlons-en avant de faire, par contre, la petite blague de Brie d'égalité. Brie, c'est pas Sharp non plus, parce que Brice, c'est l'affaire où tu coupes le bout du machin chouette du gars chez, je crois, juif. Je mélange sûrement plein d'affaires. Pas du fromage, ça? Ouais. Aussi, je pense. C'est ça? Oui, je pense que c'est ça, c'est qu'on brise le bout du fromage. D'un jeune garçon. Mon Dieu, j'espère, parce que si on t'a servi de la circoncision sur des petits biscottes, c'est un peu bizarre. Un échange. Ouais, c'est ça. On a échangé deux termes. Donc, cet automne à Canal V. On a échangé nos termes. J'aime ça. Là, vous voyez qu'on y va un petit peu dans un ordre approximatif. On a parlé d'un match spécial puis d'un match régulier. Vu que c'est dans l'ordre temporel, commençons par le match spécial qui a lieu ce jeudi. C'est le match de la Luître versus la Lib. Oui, la Lib, qui est la ligue d'imposition du Bedonden. Bedonden et Bedonron. Ouais. Donc, c'est ça. Là, la Luître a identifié 5 joueurs qui vont affronter les 5 joueurs de la Lib, qui est une ligue de Montréal, si je ne m'abuse. Oui, en effet. Est-ce qu'on s'aventure à dire les noms des gens? Ah, on peut bien faire ça. Mettons du côté de la Luître, je reconnais un nom là-dedans. Ouais. Tu connais peut-être, c'est Gabriel Béhoud. Oui, c'est moi-même. C'est toi-même. Il y a Antoine Lacasse, Alexandre Marchand des Oranges. Il y a Maud Paquette, la représentante de l'équipe des Bleus, et puis mon collègue Frédéric Bernard. Hey, moi aussi, je pourrais l'appeler mon collègue futur et celui de Steph aussi, parce que Frédéric Bernard va être chroniqueur à Assemblage requis cet hiver. C'est-tu vrai? C'est un jure! Arrête! Toi puis Frédéric! Les deux? Les deux! Deux nouveaux chroniqueurs, ensemble, pas ensemble. Il va faire quoi? Il va faire une chronique télé. Surprise, hein? Chronique télé à radio? Oui! Ah, c'est dégueulasse. C'est malade. C'est génial. Et du côté de la Ligue du Bedonden, on retrouve aussi 5 joueurs. Leur capitaine, c'est David Boudreau, Godette. Il y a aussi Gabriel Bergeron, Xavier Bouchard-Paquin, Gabriel Boucher et Francis Legendre. Certainement. The Gender, qu'on l'appelle. Yes. On l'appelle pas du tout de même. C'est ça. Ça va être un match spécial avec deux équipes qui s'affrontent. Encore une fois, ça compte pas au pointage pour la Luître. Non, dans le fond, parce que c'est une équipe qui est à la bonne franquette. Donc, pour le plaisir. Oh oui. Ensuite, tu l'as dit tantôt, le premier vrai match, ça va être le 12 janvier. Celui-là, il compte, puis il n'est pas pour le plaisir. Non, pas du tout pour le plaisir. Ça va être un match rouge contre vert, tu l'as dit. Certainement. Mais ce qui va être pour le plaisir, c'est ce qu'il y a after. Ah oui, l'après-non-plaisir, ça va être génial. Là, on va avoir du fun. L'iPod Battle. Ça va être fou, raide. L'iPod Battle, c'est une bataille musicale. Comment est-ce qu'on expliquerait ça en termes pour les morons qui nous écoutent en ce moment? Ben, dans le fond, vous amenez un iPod ou tout autre lecteur MP3. Un Zoom, mettons, de Microsoft, on peut s'amener ça? Non, parce que ça bug tout le temps. Ça bug tout le temps. C'est ça. Une tablette Android, ça marche. Oui. Okay. On peut amener toutes sortes de tablettes, toutes sortes d'iPod, toutes sortes d'iPhone, toutes sortes de. Bref, n'importe quoi qui peut avoir des MP3 dessus. Puis on fait quoi avec ça? Bon, ben là, on se présente, on dit, hey, salut, moi, j'aimerais ça participer au iPod Battle. Puis là, on dit, non, il n'y a plus de place parce que c'est beaucoup trop populaire comme événement, mais tu peux rester et t'amuser parce que l'événement, en fait, ça consiste à. Il va y avoir des petits thèmes. Donc là, deux personnes vont s'affronter, chacun avec leur iPod, et puis le thème serait, une chanson que tu écouterais dans ton char. Puis là, ben, chacune des deux personnes fouille dans leur iPod, ils ont un léger temps de réflexion. Oh mon Dieu, quelle toune qui serait la meilleure dans un char? Puis c'est qu'il y a plusieurs thèmes qui peuvent être vraiment variés, donc il faut que t'aies une grande sélection de chansons sur ton lecteur. Parce que mettons, t'as demandé les meilleures tounes pour avoir des relations sexuelles consentantes. Puis que t'as rien qu'une toune. De char. Pour les non-consentantes. Pour les non-consentantes. C'est mal pris. Du Cannibal Corpse. Rape Me, puis ouais, c'est ça. Exact. C'est ça. Ça marche pas, c'est pas non, consentant. Non, en effet, c'est moins... C'est pas très laïque, ça. Mais t'as des chances de gagner des points, parce que ça fait très, très relation sexuelle non-consentante du Cannibal Corpse. Exactement. Wow. Cannibal. Miam. Donc, pour t'inscrire, Gabriel Béhoud, toi ou d'autres, il faut partager... Dans les commentaires sur la page Facebook de la Luitre. Yes. Il faut partager la chanson la plus quétaine que tu connais. Donc, ils vont choisir par le nombre. S'il faut départager, par le nombre de likes sur les commentaires. Donc, la page Facebook, c'est facile. Vous écrivez Luitre sur Facebook, L-U-I-T-R. C'est la Luitre, Ligue universitaire d'improvisation de Trois-Rivières. Mm-hmm. C'est exact. Simple. C'est simple. Puis là, trouver votre chanson la plus quétaine, on peut. YouTube, c'est une mine d'or. Mais réellement, prenez de quoi que vous auriez sur votre iPod. Comme ça. Vous serez pas pris au dépourvu si jamais on vous dit « Hey, peux-tu la remettre? » Ben » c'est ça, faites pas les fakes, là, parce que si vous arrivez, vous proposez une chanson, puis vous arrivez là-bas avec votre au iPod Battle, avec votre lecteur MP3 vide, avec juste 5 tunes dedans, en disant « C'est sûr que ça va être une tune de char, puis une tune de tu sais, peu importe, là, tu sais. Mm-hmm. » Devinez pas, là. Mais ils vont sûrement vous proposer des surprises, les animateurs de ça. Le ou les. La ou les ou le ou du. Les animateurs, j'ai aucune idée qui va animer ça. Ça va être un toaster. Un toaster grippin. Ouais. Faux grippin. Ouais, ouais. Tu peux faire des petites pochettes dedans, toi? Ouais, des petites pizzas. OK. Des bagel bites. Bagel bites. Des bagel bites. On peut pas calculer la mémoire d'un ordinateur avec ça. Je vais te prendre, tu vois, chez Futur Shop, je vais prendre des bagel bites. T'as-tu un 500 bagel bites? Au Futur Shop, de toute façon, il va te dire, je le sais pas. C'est vrai qu'ils font ça chez Futur Shop. Tout ça pour dire qu'on va continuer, ça c'est le 12 janvier que ça se passe, Rouge versus Vert, puis le iPod Battle. Après ça, déjà un autre match special, le 20 janvier. Ben oui, le match contre, dans le fond c'est le match du carnaval, donc des représentants de la Luitre vont être désignés pour jouer contre des représentants de chaque association étudiante. Le Carnival Corps, yes. C'est pas celui-là, le Carnival Corps. Exactement, le Carnival Corps. Tu vas appeler ça, donc contre des représentants de chaque bac. Et puis, ben, ce sera des petites improvisations. Je crois que c'est 3 improvisations par assaut. Est-ce que les 3 improvisations vont être back-to-back? T'as compris-tu comme une après l'autre, back-to-back en anglais? Ça veut aussi dire back-to-back comme baccalauréat? C'est comme un jeu de mots? Dans la tête, Mathieu. Non, trop de bonheur. Mais. Ah! Back-to-back! Et bonne, pareil, quand tu y penses, ben oui. Hein, ouais. Baccalauréat? Ouais. Ouais. Donc, Ben, il y a possibilité pour les assauts, dans le fond, de faire des points. Okay. Pour le carnaval et obtenir la fameuse coupe du carnaval avec ses points. Imagine si ce serait les points. Si c'était, pardon. Ouf! Les ouf. Passé prochain. Si c'était les points des matchs du carnaval qui décernaient la coupe. Genre 10 points d'écart. Genre. Hey, hein? Ce serait débile. Ce serait malade. Ce serait débile. Ben, ensuite de ça, il y a un paquet de matchs normaux, là. Mm-hmm. Et puis après ça, on va. Là, ça commence à être loin. Puis tu sais, on vous en parle juste pour que vous vous excitiez vous-même. Oh oui. On y reviendra en temps et lieu. Mais il y a la Coupe Trois-Rivières au mois de février, le 16. Oui. Un autre match spécial le 19 février, qu'on sait pas ce que c'est encore. Pas encore, on va le savoir bientôt. En mars, on l'a déjà dit, la Luitre Feutrée va être là. Un match spécial, le retour de la Poké-Luitre. Oui, certainement. Le match Pokémon. Ça, évidemment, on va vraiment beurrer épais là-dessus. Mais qu'on en parle. Hein. Ah oui, oui. Parce que chaque joueur est sélectionné par des maîtres Pokémon, live sur scène. C'est débile. Oui, sortez vos Game Boy, vos Cable Link. Cable Link, aïe, aïe. C'était ça, Cable Link, pour vrai? Non, mon ami n'avait un, par contre. C'était pour jouer en multijoueur sur la Game Boy. Bon, nous autres, c'est pour obtenir les Pokémon que tu peux pas avoir. Matchup, je pense. T'avais pas le choix de les changer. Malade. Hey, t'avais-tu la Game Boy Camera? Non, j'ai pas eu ça. J'ai pas connu ça. Photos format ça. J'ai vu ça sur Internet comme cet hiver. J'avais jamais vu ça. On pouvait faire imprimer nos photos. Oui, avec une petite minuscule imprimante. Game Boy. C'est comme l'ancêtre des selfies. Genre. Oui, vraiment. Tu pouvais prendre avec ton Game Boy Color. Oui. Wow. Ah oui, c'est une résolution de. La photo sortait-tu 8 bits? Mais va en bas de ça, là. Ouais, c'était dégueulasse. La résolution était bien ordinaire. La résolution 2015 était. Ah oui, ma résolution. Moi, mettons, est-ce qu'on parle de résolution de photo? Je sais pas. Je remplis, tu sais, la demi-heure. Hein? Arrêtez de pleurer. Non, c'est pas. Arrêtez de me costumer, je pense. J'ai comme la manie, je me costume comme 6-7 fois par semaine. Des fois, juste pour un petit 30 secondes. OK. Mais ça, c'est fini. En 2015, j'ai acheté tous mes costumes. C'est dur. 5 jours sans costume jusqu'à là. Est-ce que j'ose te demander les costumes? T'es coquin. Est-ce que tu te rases quand tu fais ça? Non. La face, évidemment? Non. Non, pas la face. La semaine passée, ben, pour te donner l'idée, durant le temps des fêtes, j'ai passé le temps des fêtes déguisant cigarette. OK. Ça crée un bug dans la famille. Il dit, hey, c'est... Qu'est-ce que tu fais là, grand Gabriel, déguisant cigarette? Ben oui. Là, t'essaies d'arrêter. C'est là que j'ai vu que j'ai touché vraiment le fond, là, quand que la famille m'en a parlé. Mais Gabriel, c'est pas le problème de la cigarette, ça. C'est un vrai conte de Cendrillon, ça. Ah oui. Cendrier, oh, genre. Cendrier. Donc, tu fais une intervention. Gabriel, faut qu'on te parle. Ouais, ils m'ont serré le lighter, puis ils m'ont dit, là, non. C'est terminé. Wow. Toi, Mathieu, puis. Ouais. Avez-vous des résolutions? Non. Honnêtement, non. Honnêtement, c'est de faire tout le temps la même affaire que Steph parce qu'à date, ça marche bien sa vie. Fait que non, non plus. Elle va mieux que la mienne, tu sais. Mieux que ma vie. À chaque jour, on doit essayer de devenir une meilleure personne. Oh, wow. Ah, c'est tellement. Ah, c'est salut, bonjour, c'est ça. Wow. Je vais prendre une gorgée de café. S'il te plaît. Et après ça, en mars, on va être rendu après le match Pokémon parce que le match Pokémon, ça vient comme clore un peu. Voilà, la saison régulière. Saison régulière, parce qu'après ça, c'est demi-finale, congé. Ça, voilà, c'est le meilleur congé route. De Pascal, on invite Pascal pour le chat. Pascal Chet-Janson, c'est congé Pascal. Ouais, exact. Il va être tout seul sur scène. Joueur de la Lime, pour ceux qui ne connaissent pas. Ensuite, on revient le 13 avril avec la deuxième demi-finale, et après ça, c'est la grande finale, et le gala, évidemment, le classique gala du Mollusque. Mais là, ça, c'est dans beaucoup loin. Là. Vraiment, on vous fait la mi-session, la fin session, les stages... Les dépressions, on a tout ça d'ici là. Là. Ensuite, le retour à la vie normale, après la dépression, arrivent les jours nouveaux ensoleillés. On voulait faire un petit résumé de l'automne puis un résumé de l'hiver à venir pour Colin que ça vaille la peine que tu sois venu. Je pense que ça vaut la peine que tu sois venu. Je suis content d'être venu, en tout cas. C'est le fun. Ouais, tu déguiseras en d'autres choses pour nous autres. Si jamais ta résolution finit par tomber, on veut te voir déguisé en... En mollusque, tu sais. Ouais, je pense que c'est ça. Ça dure tout le temps à peu près 3 semaines, les résolutions. Ouais. 21 jours. Les gyms, moi, c'est à peu près ça. Je vais commencer à aller au gym, mais déguisé. Wow. En T-bone. Je t'ai pas compromis. Déguise-toi en douchebag, je vais te voir en douchebag. En douchebag? Ouais. C'est bon, je vais essayer de faire ça. Ah, au gym, en plus, les gens vont penser que je suis pas costumé. Non, mais faut que t'aies au gym, genre en Big Mac, là, pour écœurer les gens qui sont là. Une frite, juste une frite. Oh oui. Une frite à gast. En tailleur de spare. Ou vraiment des trucs par rapport. Oui. Wow. Donc, le plus important à retenir de la chronique d'aujourd'hui, outre tes déguisements, c'est le match de jeudi soir. Certainement. Donc, qui est encore une fois à 20h. Yes, à la Chasse-Galerie. Donc, on espère que vous allez venir tous en grand nombre. Pour nous encourager et aussi voir la libre. La Libre, et puis après ça, lundi, le 12, Rouge versus Vert et iPod Battle. Parce qu'on ne survivra pas, Gab, avant ça. C'est pour ça qu'on en parle. Non, c'est ça, exact. Je perds la vue d'ici lundi prochain. Donc. Tu perds la vue? Mais tu vas être là jeudi, Mathieu. Moi, je vais être là jeudi. Non, ben, on va se revoir. Ben voilà. On ne survivra pas en nombre, fait que les gens ne savent pas. Ils ne nous suivent pas sur notre télé-réalité web comme... Ah oui. Une soirée avec Mathieu et Gab. Une soirée avec Mathieu et Gab. Voilà, bien sûr, la web télé. Moi, j'écoute pas ça. T'écoutes pas ça? Tu manques de quoi? Tu l'enregistres. La semaine passée, on s'est fait du spaghetti pesto. Miam! Ah, c'est le fun! Hey, je me rappelle même pas de ça. Je pense que tu m'as drogué ce soir-là. C'est pas ça. Et palais. Tu t'étais rasé, hein, par c'est contre. C'est pour ça que tu te rappelais de Cannibal Corpse, par exemple. Hein? Palais. Gabriel Béhoud. Oui. On se retrouve la semaine prochaine, les mardis, à 8h. Ben oui. Et ce sera le retour de Gabriel Boutentrain-Houd, ton collègue sur le terrain, qui fait les résumés des matchs de l'autre soir. Oui, parce qu'il va y avoir eu un match de l'autre soir. Ouais, exact. Est-ce que tu tapes quelque chose au match de jeudi, pas vraiment? Non, je croirais pas. Non, c'est ça. J'ai rien prévu, en fait. Tu veux faire. Tu vas leur poser au Bedondaine. Who the fuck are you? C'est quoi? C'est ça. Bonjour, comment tu t'appelles? C'est le fun, merci. Oui, ça va rien ajouter à ma vie. C'est ça. Mais maintenant, c'est ton nom. Moi, je veux même plus savoir le nom après ça. Mais non. On s'attache pas à ces gens-là, ils sont là juste une fois. C'est ça. La luette, ils sont là toutes les semaines, il faut s'attacher à eux autres. Exact. C'est comme un animal de compagnie. Oh oui. C'est ça. Dans le fond, le match contre la Libre, ben honnêtement, c'est pour que vous puissiez voir vos joueurs de la Libre dans ce raid du tout. Non, venez tous en grand nombre, ça va être vraiment cool de jouer contre des gens que vous avez jamais vus. Ben oui, puis vous verrez jamais. Ben. On sait jamais. Quoique Xavier Bouchard-Parking, t'avais déjà vu parce qu'il était dans la zone autre ligue avant. Il était dans la lutte, dans la lune, quelque chose comme ça. Je pense qu'il était dans la lutte. Moi, je l'ai jamais vu. Moi non plus, je pense pas. Là, tu me fais un procès d'intention, Mathieu. Je sais qu'il existait, tu sais. Il était vivant.

Donc là, en vrai, demain, en chiptune, Mathieu Plante Show. C'est cool, ça? Eh ben, on n'a pas le choix d'être là. On n'a pas le choix d'être là? Sur C'est fou, 89.1 FM! White Light par Century Palm, assemblage requis. Au retour, Steph, on parle du programme MBA UQTR. Oh! Ça va être bon, ça, pour une dernière demi-heure. Je suis tellement prête. On est ready, ready. Go. Go. Genre, merci, Sphine. C'est ça. Fou d'excentricité. Sur le campus, à Trois-Rivières, c'est le 89.1. Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Bonjour à Assemblage Requis, Stéphanie Paradis est juste là. Mathieu Plante, derrière son micro, devant son micro. Moi, je le vois derrière, mais en fait, il est devant. Ça dépend de quel bord on est. Est-ce que tu es en train de me dire que le monde est en 3D, comme les films? Ouais. Incroyable. 9h01, alors ce mardi matin du 6 janvier 2015. Et on a l'honneur de recevoir M. Nomo, qui est actuellement professeur au département de gestion de l'UQTR, mais aussi directeur du programme MBA, qui est en nos studios en ce moment pour nous parler du programme MBA en tant que tel et du 10e anniversaire de ce programme-là. Bonjour, Monsieur Nomo, ça va bien? Oui, bonjour, ça va très, très bien. Et d'ailleurs, meilleurs voeux pour la nouvelle année. Ah, mais vous aussi, c'est sûr. Donc, le programme MBA, présentez-nous un petit peu ce programme-là. Qu'est-ce que c'est, le programme MBA? Bon, le programme de maîtrise en administration d'affaires, des affaires MBA de l'UQTR est un programme, disons, l'un des programmes phares du département des centres d'administration et de l'UQTR. C'est un programme qui existe depuis 2004, donc environ, disons, pratiquement plus d'une dizaine d'années. Et les cours sont dispensés par plus d'une quarantaine, disons, de professeurs et assister des chargés de cours et des chargés de cours qui, pour la plupart, sont sont des leaders dans les domaines de recherche. Ils interviennent particulièrement dans des champs de recherche qui tournent autour de la PME. Okay. Et la particularité de ce programme, évidemment, c'est un programme qui, principalement, le programme MBA de l'UQTR tourne autour de la PME, la petite et moyenne entreprise. C'est ça qui fait, d'une certaine façon, la particularité de notre département et de ce programme. Voilà. Oui, c'est super bien. Quelle est la particularité, donc, c'est ça du MBA, de l'UQTR en tant que tel, parce que vous avez, on parle de MBA en général aussi, mais à l'UQTR, qu'est-ce que ça a de particulier? Bon, disons que je vais peut-être le redire, disons que le MBA de l'UQTR est un MBA qui a une orientation dans un premier temps PME, comme je le disais tantôt, et vous savez très bien que nous avons un certain nombre d'instituts, un institut de recherche et des laboratoires qui tournent autour de la PME, de l'entrepreneuriat, évidemment d'autres domaines, tels que la gestion de projets, etc. Donc, à ce jour, on peut dire que nous avons à peu près plus d'une, disons près de plus de 250 diplômés de programme MBA, et donc les diplômés ou les étudiants de MBA de l'UQT proviennent de presque toutes les régions du monde, essentiellement du Canada évidemment, de l'Europe, de l'Afrique et un peu d'Asie. On a à peu près 2% qui viennent d'Asie. Nous avons autant de femmes que d'hommes dans ce programme, et la plupart travaillent dans le secteur privé, la petite et moyenne entreprise. Ils viennent aussi, quelques-uns aussi quand même de la grande entreprise, parce que nous avons dans ce MBA un MBA intensif qui est offert à Drummondville, et Drummondville, comme vous le savez, c'est une zone où il y a plus d'entreprises, de petites entreprises, etc. Et ce qui fait également la fierté, c'est que la plupart sont insérés dans le milieu du travail, ils trouvent un emploi après leur formation. Nous avons un taux de placement qui est quand même très très élevé, qui tourne autour de 80% et voire plus. Voilà. Wow, c'est beaucoup. Donc les conditions d'admission pour être accepté au MBA de l'UQTR, ça ressemble à quoi? Mais disons que les conditions d'admission MBA de l'UQTR sont à peu près semblables aux autres, c'est-à-dire à peu près en moyenne 2 à 3 ans d'expérience de travail, donc une expérience jugée pertinente de travail, et une moyenne académique autour de, disons grosso modo 3.2, ça veut dire à peu près B+, pour s'adapter un peu à la notation canadienne. Mais au-delà de ça, il y a des gens qui ont plus de 2 ou 3 ans d'expérience, qui ont, disons, en moyenne 7 ans d'expérience, et ces personnes peuvent également postuler. Ça veut dire des gens qui n'ont pas forcément des diplômes, des moyennes élevées, mais qui ont acquis une forte expérience de travail, peuvent voir leur dossier également étudié et accepté dans ce programme. Évidemment, nous avons pensé au fait qu'aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle conciliation famille-travail, c'est-à-dire que les gens n'ont pas assez de temps pour souvent consacrer entièrement leur temps aux études. Donc, il y a un processus d'admission graduel. Ça veut dire, il y a des programmes courts qui permettent à chacun d'apprécier progressivement, surtout ceux qui font un retour à l'école, d'apprécier la formation. Et donc, il y a des programmes courts que nous offrons également ici à l'UQTR et à Drummondville. Ces programmes courts tournent autour de la gestion des PME innovantes, au niveau du diagnostic et intervention des organisations. Et ces programmes permettent à l'étudiant, une fois terminé, de pouvoir poursuivre ses études au MBA. Et en passant, notre MBA a quelques, disons, quelques options qu'il faut peut-être préciser. Gestion de PME, comme vous le savez, la gestion de projet, la gestion des PME innovantes, diagnostic et intervention dans l'organisation, qui sont les programmes, les options. Nous avons également, et il faut le souligner, un partenariat avec l'Université de Rennes, où nous offrons le programme en gestion internationale. Donc, nous sommes dans un monde global aujourd'hui, c'est important, et les étudiants peuvent également faire ce programme. Très important à préciser quand même, parce que MBA traditionnellement, c'est un diplôme professionnel. Donc, c'est un diplôme qui s'adresse aux gens qui travaillent et qui veulent améliorer leurs conditions de travail, qui veulent acquérir de nouvelles façons de voir ou de travailler. Et parce que dans un contexte global aujourd'hui, le monde est en perpétuelle mutation, nous sommes dans un monde d'affaires globales, et c'est important que des gens viennent se ressourcer, viennent acquérir de nouvelles compétences, de nouvelles connaissances pour pouvoir améliorer ou créer de la valeur pour leur entreprise. Donc, si vous voulez, grosso modo, voilà notre MBA, deux options. Donc, MBA professionnel où essentiellement on fait un essai qui est une forme de projet, bon, projet d'intervention ou de consultation où l'étudiant ou le candidat ou l'étudiant est amené à résoudre des problématiques qu'il identifie dans son organisation ou d'autres problématiques à partir des connaissances qu'il a acquises au niveau de son programme. Et il y a également l'option recherche, c'est-à-dire pour tous ceux qui veulent approfondir les connaissances dans leur domaine et qui veulent éventuellement poursuivre des études au niveau doctoral. Donc voilà, grosso modo, ce qui fait la particularité de notre MBA. Waouh, c'est beaucoup de détails en même temps. Mais il y a peut-être une question que les gens pourraient avoir, pour ceux qui sont curieux et qui voudraient peut-être s'inscrire en MBA. C'est le prix, combien est-ce que ça coûte étudier en MBA? Oh ben disons que le vous savez que les universités au Québec sont des universités disons presque toutes subventionnées carrément et dont les frais de scolarité sont tout à fait les mêmes partout, c'est des grosso modo on peut dire par année autour de 5 000-6 000 $ par année, et ce que je trouve est très très intéressant parce que ça donne une forme d'accessibilité aux études au niveau du Québec, parce qu'ailleurs le MBA coûte relativement plus cher que ça d'ailleurs. Okay. Mais c'est très bien parce que c'est pas la barrière d'argent pour entrer un billet, bien que ceux qui sont diplômés de ce diplôme aspirent à des conditions de travail plus intéressantes. Mmh. Ben, et pour ceux qui viennent de l'étranger, évidemment, nous avons beaucoup d'étudiants étrangers qui viennent dans notre programme MBA et évidemment, ils vont payer les frais majorés, comme tout étudiant qui vient au Québec, qui sont des frais relativement certainement importants. Mmh. Évidemment, nous avons un certain nombre de bourses d'admission pour des candidats qui ont un parcours exceptionnel lors d'admission, et ces bourses d'admission peuvent être offertes aux étudiants, peut-être à la première session, sinon beaucoup plus à la deuxième, troisième session, parce que comme vous le savez très bien, les sessions ont la session de ton hiver à été, et donc si l'étudiant présente un parcours académique, c'est-à-dire une performance académique, l'étudiant peut se voir offrir des bourses. Évidemment, il y a des bourses, des exemptions que les étudiants étrangers peuvent acquérir auprès de leur gouvernement. Comme vous le savez, le gouvernement du Québec offre des bourses, des exemptions aux étudiants issus de zones où le Québec, des pays dans lesquels ou avec lesquels le Québec a une forme de collaboration, de coopération. Mmh. Évidemment, les Français, comme vous le savez, viennent également, mais ils ont des conditions particulières. Donc voilà, grosso modo, ce que ça coûte pour ceux qui font le MBA ici. Et je tiens à vous le préciser que le MBA également est délocalisé à l'étranger. Nous avons une délocalisation. Ça fait à peu près plus de 8 ans que nous sommes en Afrique du Nord, au Maghreb essentiellement, au Maroc, où nous offrons également le même MBA. Mmh. Et là, nous démarrons en janvier. Comme vous avez dû l'apprendre dans les médias, au niveau de l'université. Mais sur le campus, programme, mettons. Sur le campus. On a le MBA au Vietnam. Voilà. Okay, au Vietnam, oui. En Asie. Donc voilà, du QTR en Asie. Voilà. Hey. Et ça démarre en janvier 2015. Superbe. Donc, c'est ça, on a dit que la barrière était plus moins financière et peut-être plus intellectuelle, si on veut. Tout à fait, disons-le comme ça. Maintenant, comment est-ce qu'on va marquer? Là, c'est le 10e anniversaire, plus ou moins 10 ans de l'existence du programme MBA UQTR, et il y a des événements qui s'en viennent, dont un en mars, qui a eu lieu en mars dernier, mars 2014, c'est bien ça? Il y a eu un 5 à 7, c'est ça? Oui, mais disons que nous avons pris complètement 2014-2015 pour célébrer ce 10e. L'année complète, comme vous venez de repréciser. Et donc, dans le cadre de ce 10e, nous voulons d'abord souligner, évidemment, notre diplôme et surtout remercier nos diplômés, parce que le MBA, c'est les diplômés, c'est le réseau des diplômés. C'est très, très important qu'ils aient un sentiment d'appartenance. Et donc, ce sera l'occasion de remercier les diplômés à travers un vin et fromage. On organisera une rencontre autour de mars sur le vin et fromage. On le souhaite hors du campus, vous savez, parce que les diplômés, hein, c'est hors du campus pour ouvrir. Hein. Nous sommes le MBA, c'est un diplôme ouvert. Donc, hors du campus, dans un espace en ville. Évidemment, on pourra avoir également les activités au sein du campus, où on invitera soit des conférenciers, mais ce sera l'occasion également de revoir complètement tous nos outils promotionnels, et puis également de lancer un nouveau site internet de MBA. Ah oui, okay. Et également, pourquoi pas une soirée pour souligner tout ça que nous espérons organiser également. Génial. Donc, tout plein de choses à venir pour le programme MBA UQTR. Évidemment, un succès énorme pour ça, c'est sûr. Et on vous remercie, M. Nomon, d'être passé nous parler de ce programme-là, MBA UQTR. Vous avez parlé d'un nouveau site web. Est-ce qu'il y a une adresse en ce moment qu'on peut visiter pour plus d'informations? Pour le moment, il est en pleine construction. Disons, autour de février, fin février, les gens auront accès au site internet qui sera complètement dédié au MBA. Et nous aurons toutes les informations précises, détaillées sur le programme. Génial. Monsieur Nemo, merci encore une fois. Il vous repasse quand vous voulez. Merci de nous avoir reçus. Et puis, on souhaite une longue vie à votre radio. Et puis, merci. Et vous faites un excellent travail. Et on espère être continuellement invités dans votre très, très belle émission. Merci à vous. Quand vous voulez. Merci beaucoup, monsieur Nemo. Bonne journée. Vous êtes toujours l'assemblage requis. Dans quelques instants, on continue avec son foutu palmarès. Mais avance, voici OK Go et Bright as Your Eyes sur C'est Fou 89.1. Until the planets Concert rock par nos amis de deux couleurs, précédé de OK Go avec Bright As Your Eyes, un petit bloc thématique rock pas mal, quand même, tu sais, rock, rock indie, rock, mais non. Ben oui. Pas très, très rock, rock, ça. Steph? Non, du rock mou. Du rock mou. C'était pas... Rochemol. L'ancienne radio avant d'être rouge, c'était rock mou. Non, il y a Croque Mou. Tu connais Croque Mou? Croque Mou, non. Tout l'Est? Hein? Le petit dragon? Comment? Croque Mou? Non. Le dragon Croque Mou? C'est comme un croque monsieur? Non. Mais un croque-monsieur qui est mou. Croque-monsieur pas grillé. Pas grillé. Bon, ça nous amène à son foutu palmarès. Un chat pas dedans, donc Toothless en français s'appelle Croque-Mou. Bon, dehors, c'est pas un chat, c'est un dragon. Mais il y a l'air d'un chat. C'est un dragon. C'est un noir en plus. C'est un dragon. Ok. En tout cas, Croque-Mou, connaît pas. Espèce d'inculte. Steph, maison. Est-ce que t'as fait quelque chose de vraiment intéressant cette année? De 2014, l'année passée. De vraiment intéressant. Tu sais, genre qui pourrait aller dans un livre quelconque, tu sais, genre quelque chose de remarquable, de phénoménal. Ah! J'ai regardé Game of Thrones dans un temps record. Incroyable. Toutes les saisons? Oui. Combien de temps? Ben, 4 saisons. Oui, non, mais combien de temps c'était pris? Combien deux de temps? 2 mois, 2 semaines. Oh, je sais pas. T'as dit en auteur record? Je te dirais une nuit. Une nuit? physiquement impossible. Donc, assurez-vous, j'espère, d'avoir passé une bonne année parce que là, ça, tout ce que je vais vous dire là va avoir l'air comme beaucoup mieux que vous. Genre, ah. Comme ça va vous battre à plate couture. Donc, c'est le palmarès ou la liste de 15 choses qui ont battu des records. Vas-y. T'aimerais pas ça savoir ce que ça veut dire, plate couture? Non. Oui, oui, non. L'expression. Ouais, tu veux pas faire ça? Non, mais faudrait que je le cherche, ça. Prends des notes. Plate couture. Plate couture. Prends des notes. Donc, on commence par le plus gros feu d'artifice de 1024,76 livres ou 464 826 kilogrammes. C'est le diamètre de la rosette qu'on appelle du feu d'artifice qui mesurait 800 mètres environ. C'était au 13e festival Kunosu Fireworks Festival dans la préfecture de Saitama au Japon. C'était la 13e édition annuelle de ce festival-là. Ça a eu lieu le 11 octobre dernier. Et même que vous êtes gentil, donc je vous fais entendre ces feux d'artifice-là. C'est tellement pertinent. Incroyable. C'est difficile d'évaluer quel point c'est gros. Les vidéos sont sur assemblagehockey.com, mais en effet, le diamètre de la rosette m'a l'air impressionnant. J'ai aucune idée. Je connais pas les termes de feu d'artifice. Ensuite, le texteur le plus rapide au monde sur un téléphone cellulaire, c'est Marcel Fernandez Filho, qui a 17 ans et une coupe de cheveux de gras, cheveux gras. Dans le front, vraiment. Donc, c'était le 7 novembre dernier que Philo a tapé cette phrase que je vais dire. Donc, il l'a tapé en 17 secondes. Écoutez bien, c'est une sans phrase... Sans faire de faute? Sans faire de faute et sans aucune autocorrection en passant. Donc, je l'ai dit, même en anglais, c'est très compliqué. Donc, je vais faire attention. The razor-toothed piranhas of the genera Serrasalmus and Pygocentrus are the most ferocious freshwater fish in the world. In reality, they seldom attack a human. Donc, les piranhas à dents de rasoir de la marque Serrasalmus et de Pygocentrus sont les oiseaux d'eau douce, les poissons d'eau douce les plus féroces du monde, mais en réalité, ils attaquent rarement les humains. Genre, là, c'est une adaptation libre, sûrement fautive. Ouais. Mais quand même, c'était Marcel Fernandez Filho de 17 ans. Ensuite, il écrit ça en combien de temps? Il écrit ça en 17 secondes. Quand même. Presque juste. On a la vidéo de lui en train de taper et de recevoir son prix, là, mais bon. Ensuite, en troisième, c'est le plus de beignes fait par une voiture qui conduisait sur 2 roues en 1 minute. Il a réussi à faire 10 beignes, 10 donuts. C'est Zhang Shenjun qui a fait ces beignes-là dans une BMW M4 Coupe en tournant autour d'une Mini Cooper qui était conduite elle aussi sur 2 roues par Han Yu le 25 novembre dernier. Eh ben. Le plus long voyage dans Minecraft, le jeu vidéo, est en 4e place. C'est par Kurt J. Mack. Le 6 mars 2014, Mack a découvert qu'il avait voyagé pendant 1 479 940 blocs à partir du centre du jeu Minecraft. Bon, des blocs, vous savez que Minecraft, c'est le jeu qui est fait en blocs cubiques. Donc, ça fait environ 1479,9 km virtuels. S'il avait voulu se rendre au bout de Minecraft au complet, il aurait dû continuer pendant 22 ans. Wow. Le monde est énorme dans Minecraft. Ça a été accompli le 28 mars 2011, donc le début du voyage. Il s'en, donc il a pris comme équipement une épée, comment t'appelles ça? Un pic, un genre de, pas un marteau, pic, pickaxe, le qu'appelle en anglais, bref, pickaxe, ça a sûrement un nom en français. Ça. Une pioche? Une pioche, voilà. Et une boussole, voilà, pour savoir qu'il allait dans la bonne direction. Ensuite, la plus grosse bataille d'oreillers. 4201 personnes à Brookings, dans le Dakota du Sud, à la partie de football du South Dakota State, South Dakota Football Game, donc une partie entre le South Dakota State et South Dakota en général, je ne sais pas ce que ça veut dire. Au stade Coughlin Alumni, voilà. C'est là qu'on a fait la plus grande bataille d'oreillers. Ça doit être cool. Mais ça. Ensuite. Oh, il tape sur des mascottes. Ah, là, c'est pas fin, même. Le plus de lumière sur une propriété résidentielle, 601 736 lumières. C'est la famille Gay de Lagrangeville à New York. Ils ont passé 35 heures à synchroniser les lumières avec la chanson A Sky Full of Stars par Coldplay. Oh my god! Oh, Hermagerd, comme on dit. Je pense que celle-là, ça peut valoir la peine d'écouter ce merveilleux extrait. Imagine le nombre de personnes qui s'est déplacées pour aller voir ça en vrai, là. Je sais pas si Coldplay est allé voir ça. Moi, si j'étais Coldplay, je serais allé voir. Ben oui, mais pour vrai. Bon, ben c'est beaucoup de lumière, tout ça. C'est en effet synchronisé à la chanson, donc félicitations. Ensuite, wow. On voit pas la maison. Non, pas vraiment. On va regarder ensemble le plus long saut avec un big rig. 83 pieds, 7 pouces de long. Ils ont sauté par-dessus une voiture de Formule 1. C'est Mike Ryan qui conduisait le gros camion, le camion big rig, bien sûr. Martin Ivanov était derrière le volant de la Formule 1. Donc, ça ressemble à. Ben, en fait, c'est un gros, souvent plus que 10 roues, qui saute par-dessus la petite voiture en passant sur une rampe qui est évidemment calculée pour ça. Voilà. Ensuite. Aïe, c'est extrême, ça, là. C'est assez extrême. Pour moi, c'est impressionnant à regarder. Le plus gros, là, des termes des fois comme backhoe, là, c'est un appareil, c'est un véhicule. Backhoe, j'imagine une que vous. Une pépine, d'accord. Ça ressemble. Imaginez-vous une affaire jaune, là. Ouais, un Tonka jaune. C'est pas un Tonka. Pas un Tonka, ça, ouais, non, je sais, ben, tu vois, je connais pas ça. Une pépine, ça. Une pépine. À 72,59 000 à l'heure, donc 116,82 km à l'heure, à l'aéroport Bathurst de New South Wales, en Australie. La machinerie conduite par Matthew Lucas le 21 octobre dernier. Donc, c'est la backhoe, la pépine la plus rapide au monde. 116,82 km à l'heure. C'est épique. Avec la musique, ça n'a pas choisi d'être épique. Et en plus, il y a du feu après. Le plus long tir de basketball à l'envers, donc de dos. C'est de 82 pieds, 2 pouces, au US Airways Center de Phoenix. C'est par la vedette des Harlem Globetrotters, Thunder Law. Monsieur s'appelle Thunder Law, genre éclair loi. Les points, ça vaut 3 points parce qu'il l'a fait à la ligne des 3 points, il faut croire. J'imagine. Je connais pas les sports non plus, autant que les pépines. Pépines, ouais, les sports, moi. Ça, là, c'est pas ça, la NBA? La NBA! C'est pas de ça qu'on parlait avec M. Nomo tantôt, ouais. Du programme NBA de l'UQTR? Non. Le basketball! Malheureusement. Directement dans le panier. Direct dans le net, comme on l'appelle. Direct dans le net. Le plus long fashion show, donc spectacle de mode au monde, 24 heures 28 secondes, ou environ 0,143 Fashion Week, telle que décrite par la Fashion Week à New York. Ça a été à Miami Beach. La vidéo n'est absolument pas intéressante. Le plus long... Le plus rapide 100 mètres à quatre pattes chez l'humain en 15,86 secondes, c'est au parc olympique Komazawa Olympic Park Athletic Field de Tokyo. Ils ont tellement la cave, excuse-moi. C'est par Katsumi Tamakoshi. Ils font une course 100 mètres à quatre pattes, mais tu sais, quatre pattes comme dans... T'as l'air d'un singe parce que t'es debout, mais t'es penché avec tes mains sur le plancher. T'es pas à quatre pattes comme on ferait à quatre pattes à genoux, mettons. Ouais, non. C'est à quatre pattes pliées en deux. T'as l'air d'un moron, mais il a gagné. Katsumi Tamakoshi. Allez voir la vidéo sur assemblagerequis.com. C'est c'est 6,288 secondes moins rapide que Usain Bolt à deux jambes. Ben donc quand même wow, c'est impressionnant ça. Tu sais, ça veut dire que monsieur Usain Bolt avait fait son 100 mètres en 11 secondes quelques, mettons, et eux ils l'ont fait en à peine 16 secondes, un petit peu moins que 16. C'est vraiment impressionnant. Très, j'aimerais rapide. Vraiment ça le voir si mon ordi était pas. C'est le fun si on avait un équipement informatique approprié. Mais non, imagine-toi des dans les frères Kraft, la petite bête qui marchait bizarre. Ensuite, le 10 mètres le plus rapide sur les pattes en arrière pour un chien, ainsi que le plus rapide 5... OK, excuse-moi. Moi aussi, des fois, ça lag parce que la page s'actualise pour pouvoir faire deux fois plus d'argent sur les pubs sur le site que je peux... Tu comprends ce que je veux dire? C'est des fois. Bref, on va revenir à ça. Mais c'est des chiens. Voilà. Donc, 10 mètres sur les pattes dans l'arrière et 5 mètres sur les pattes d'en avant pour un chien. C'est 6,56 secondes donc pour faire 10 mètres sur les pattes d'en arrière et 7,76 secondes pour 5 mètres sur les pattes d'en avant par Jif, le Pomeranien. Oh! Les deux records. Il est hot! Mais hein, hot dog, comme on dit. C'est un chien chaud. Je pense que ça s'est passé au même endroit que le basketball de tantôt parce que c'est le même tape et le même terrain. En fait, je pense qu'ils ont intégré la vidéo du basketball à la place des chiens, malheureusement, dans mon article. Mais bon. Ensuite, le stationnement parallèle le plus serré via drift, c'est Hang Yu qui a brisé le record au Chongqing Olympic Park. L'espace était de 8 cm plus long que la voiture de Yu, qui était une mini hatchback. Ensuite, la plus longue... c'est toutes pas les bonnes vidéos, ok. On les écoutera pas à la place. Donc, Nick Stobert a la plus longue langue du monde, 10,1 cm de long, du bout de la langue jusqu'au milieu de sa lèvre supérieure. J'imagine que c'est le plus long étiré de la langue, là. De la langue, j'imagine qu'il faut dire. C'est pas mon article préféré à date. Il dit qu'il passe plus de temps à se brosser la langue que ses dents le matin. Ah, bizarre. Ouais. Et finalement, le taper le plus rapide sur un clavier en utilisant son nez. C'est par Khurshid Hussain. Hussain qui a tapé le texte suivant, je cite: Guinness World Records have challenged me to type this sentence using my nose at the fastest time. Donc, le livre des records Guinness m'a défié de taper cette phrase en utilisant seulement mon nez le plus rapidement possible. Il a écrit ça en 47,44 secondes à Hyderabad, Andhra Pradesh, en Inde. Bravo. C'est spécial, hein? C'est spécial. Les 15, j'y trouve très intéressant. Vous pouvez aller voir certaines des vidéos pas dans l'ordre et pas au bon endroit. Moi, non, regarde, moi, le chien fonctionnait. Fait que je pense que c'est juste toi que ça a bugué. Non, non, pour vrai, je regarde ici, puis c'est pas... Les 5 derniers, c'est pas les bons vidéos. Ben oui, mais le chien fonctionnait, moi. Je l'avais, le chien. OK. Moi, c'est toutes les bonnes vidéos. Assemblagerequis.com, quelque chose se passe. Que voulez-vous, c'est comme ça. Ah! Et voilà. C'est la technologie, on pense pas trop de questions. Moi, j'aime pas le gros plan du nez. Non, je le vois pas d'ici. Je vois un chien, moi, à la place du nez. Ah! C'est le même. Donc, voilà pour son foutu palmarès et voilà pour Assemblage requis pour aujourd'hui. Ah, triste! Non, pas déjà! Sur cette note. Mais on se retrouve demain entre 6h30 et 9h30 en direct à partir de 7h30. Dans quelques heures, dans une heure et demie environ, ce sera le dîner de con avec Danny Janvier. En l'après-midi, c'est Rock Classique avec Alain Lefebvre, 19h, réanimation. En fait, je me demande si réanimation... Ah, en tout cas, bref. Allez voir cif.ca pour la programmation de l'automne, parce que ça n'a pas été mis à jour encore, parce qu'on n'est pas encore sûr de qu'est-ce qui se passe. Cif.ca, assemblagerequis.com pour les notes de l'émission Les Balados Diffusion. On remercie M. Nomo du programme MBA UQTR. On remercie aussi Gabriel Béhoud de La Luitre. Merci à toi, Steph. Merci, Mathieu. On se retrouve demain, OK? Oh, tellement. Ça va, ça? Ouais. OK. Bon, ben, on s'envoie la langue pour se dire au revoir. Bye. Je me noie aux secours. C'est un rappel d'hier, ça. Ouais. Aujourd'hui, c'est Cannibal Corpse, le mot-clé. C'est exactement ça. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre aussi? Il y a quelque chose de vraiment bon aujourd'hui. C'était... Claustrophobe? Oui, c'est claustrophobe. Limbo Church. Et puis Bichette et Angèle. À demain! C'est le fun.